Le lundi 14 novembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. C'est aujourd'hui que débutent à l'Assemblée nationale les audiences publiques sur le projet de loi 109, projet de loi qui donne le statut de capitale nationale à la Ville de Québec. La pièce législative accorde plus de pouvoir et d'autonomie à la Ville, notamment pour forcer l'entretien des immeubles en mauvais état ou encore en matière de taxation. Certaines dispositions sont cependant plus contestées. L'opposition municipale à Québec dénonce en particulier l'un des articles qui permettrait au conseil municipal de désavouer une décision d'un conseil d'arrondissement. Démocratie Québec craint des conséquences néfastes sur la démocratie locale. L'opposition déplore aussi l'exclusion du comité des citoyens du Vieux-Québec au cours de ce processus de consultation. Rappelons que l'une des dispositions les plus controversées, l'abolition des référendums locaux, a été retranchée par le gouvernement. Cette disposition sera mise à l'étude ultérieurement. La ville de Château-Richer devra verser près de 200 000 $ à son directeur général. Le juge du tribunal administratif s'est rangé du côté des arguments de François Renault, qui avait affirmé avoir été congédié injustement en 2014. Il réclamait 224 000 $ à son ancien employeur pour salaire perdu et pour les frais d'avocat. Le directeur général François Renault, qui a depuis été réintégré dans ses fonctions à Château-Richer. Des retraités de l'enseignement estiment qu'il est trop difficile de congédier des professeurs incompétents. C'est ce qu'indique un groupe de 6 enseignantes, directrices d'école et orthopédagogues de Québec dans un rapport remis au ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, dans le cadre des consultations sur la réussite éducative. Le processus pour envoyer un professeur incompétent serait trop long, trop coûteux et complexe. Les signataires recommandent de revoir les conventions collectives pour faciliter l'avancement des dossiers disciplinaires du personnel enseignant. Enfin, les Canadiens se disent inquiets des effets sur la route de la légalisation de la marijuana. C'est ce que révèle un sondage mené par le CAA à moins d'un an de l'échéancier établi par le gouvernement fédéral dans sa volonté de légaliser la consommation de cannabis. L'enquête publiée lundi révèle que près des 2/3 des Canadiens estiment que leur route serait plus dangereuse si le gouvernement Trudeau mettait en application sa promesse électorale. Les jeunes conducteurs semblent cependant moins préoccupés. Un répondant sur 4 âgés de 18 à 34 ans croit que ses capacités sur la route sont inchangées ou pourraient même s'améliorer en consommant du cannabis. Le CA qui indique que le bilan routier était à la hausse dans 2 États américains qui ont légalisé le cannabis ces dernières années. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. À la météo, on a 9 degrés présentement à Québec et c'est partiellement nuageux. Le mercure qui va demeurer stable pour l'après-midi. Il y a ce vent à 20 km/h et rafale à 40 qui va se calmer en après-midi. Demain mardi, le scénario se répète, 9 degrés et généralement nuageux. Quelques averses pour la journée de mercredi avec un maximum de 8 degrés. 8 degrés jeudi également, mais ce sera le retour du soleil jeudi.